Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les voisins, on ne peut pas vivre avec et on ne peut pas vivre sans. C'est ce que Kant appelle l'insociable sociabilité. L'homme a une inclination à s'associer, écrit-il, parce que dans un tel état, il se sent plus qu'homme, il sent le développement de ses dispositions naturelles, mais il a aussi un grand penchant à s'isoler. Il trouve en lui l'insociabilité qui fait qu'il veut tout régler à sa guise et il s'attend à provoquer une opposition des autres, sachant bien qu'il incline lui-même à s'opposer à eux. Seulement y a les voisins. J'ai mon voisin du dessus qui adore bricoler. Des coups de marteau me donnent envie de l'étrangler. Pan, pan, toc, toc, pan, pan, toc, toc. Ah, comment serait bien s'il y avait pas les voisins. Bonjour Hélène Loyer. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur le chemin de la fille. Merci. Est-ce que vous pensez, comme Henri Salvador, qu'on serait mieux s'il n'y avait pas les voisins? Oui, enfin, de temps en temps, on pense ça, surtout quand il s'agit du voisin du dessus, comme il le dit, mais en même temps, sans les voisins aussi, qu'est-ce qu'on deviendrait? Parce qu'on est bien content de les trouver, de leur dire bonjour dans l'ascenseur et de sentir qu'on n'est pas seul, et puis parfois on a besoin d'eux aussi. C'est bien ça le problème, en fait. C'est ce que Kant résume si bien avec cette formule d'insociable sociabilité. Absolument. On ne peut pas vivre seul et on ne peut pas vivre avec les autres. Exactement, c'est magnifique. Et puis c'est ce que, très ironiquement, Schopenhauer traduit par la métaphore des porcs-épics, hein, qui absolument veulent se rapprocher parce qu'ils se sentent tout seuls, parce qu'ils ont froid, etc. Et puis qu'ils se piquent, hein, insociable sociabilité, ils sont insociables, ils se piquent. Donc quand ils sont trop piqués, ils s'éloignent parce qu'ils ont mal. Mais au bout d'un moment, ils se sentent seuls, ils ont froid, donc ils veulent se rapprocher. C'est tout le problème des voisins. Et c'est cette question qui vous intéresse depuis longtemps, Hélène Loyer, parce que vous êtes philosophe et psychanalyste, maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez publié un ouvrage sur le voisinage, qui vous vaut votre présence aujourd'hui, une réflexion sur la coexistence humaine, mais vous étiez venu aussi nous parler de la police et de l'ambivalence des rapports coercitifs entre individus. Et vous avez récemment publié un ouvrage sur la haine qui anime les relations aussi entre les individus dans la société. Au fond, c'est ça qui vous intéresse. Absolument. Comment coexister. C'est ça, exactement. C'est la coexistence et ce fil qui nous permet toujours de conjuguer finalement le point où on habite, la maison hein, au fond, et puis une ligne, celle qui nous sépare de la maison des autres. C'est ça la coexistence, un rapport entre un point et une ligne. Alors parfois sur cette ligne, qui est la frontière, qui est le palier, qui est à différents degrés, hein, parce qu'il y a des états voisins qui sont dans des rapports de voisinage. On en parlera mercredi prochain, oui. Formidable. Et puis, il y a évidemment des voisins de palier, des voisins de rue, etc. Et donc, c'est toujours le rapport là de ce point et de cette ligne. Alors, sur la ligne, ça peut toujours parfois mal se passer, d'où la police, enfin c'est ça, hein, c'est la question de la coexistence, il faut un tiers, hein, parfois pour réguler les rapports entre les uns et les autres. Hein. Et puis, le fait, évidemment, que cette insociabilité dont on parlait à l'instant, elle peut prendre, et elle prend malheureusement de plus en plus fréquemment, la forme de la haine, tout simplement. C'est-à-dire que là où la sociabilité passe entre humains par le langage, et là encore, hein, j'enracine ma réflexion sur des choses très anciennes, Aristote, l'homme est par nature un animal politique, pourquoi ? Parce qu'il règle les affaires communes par le langage. Donc le langage, c'est notre premier rapport à l'autre, mais quand sur cette ligne qui me sépare et me rapproche de l'autre, hein, toujours ensemble, rapprochés et séparés, eh bien, quand c'est la haine qui l'emporte, il n'y a plus qu'un face-à-face. Et là, ce face-à-face, il est éminemment destructeur, destructeur du langage et destructeur ensuite dans le corps-à-corps des sujets humains eux-mêmes. Parce qu'il faut voir que le voisinage, c'est un corps-à-corps. Je crois que ce qui m'a fait écrire ce livre... il y a bien sûr toute ma réflexion sur la coexistence et ce qui fait qu'aujourd'hui on croit que la coexistence elle est virtuelle et elle passe par les réseaux sociaux, etc. Et en même temps, c'est intéressant d'ailleurs de voir aussi dans notre actualité, le corps à corps, il est là dans le rapport à l'autre, peut-être pas indifférent que du coup tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux se traduit après dans la rue par une forme de corps à corps aussi, hein, corps à corps violent. Qu'il n'est pas forcément dans le voisinage. Mais il y a un corps à corps, le voisinage est sensoriel. Alors ça oui, on le verra. Y a-t-il quelque chose qui a changé dans le voisinage? Parce que ce que vous dites, ce que Kant dit, c'est qu'au fond, il est de l'essence, bien la sûr. Nature humaine, d'être en conflit avec autrui sans pouvoir se passer de lui. Tout à fait. Mais votre livre semble parler d'une actualité du voisinage. Qu'est-ce qui a changé? Ben, d'abord, je crois que ce qui a changé, c'est des choses qu'on entend quand même régulièrement. Il y a des choses très matérielles, comme l'augmentation de la population humaine. C'est-à-dire que s'il y a une époque où on pouvait rêver d'îles désertes, ça fait que, bon, je ne sais pas vous, j'apprendrai que Rousseau donne à Émile un seul livre à lire, c'est Robinson Crusoé, comment se débrouiller tout seul ou presque. Et donc, on pouvait encore penser qu'il y avait des intervalles du genre humain. On parlait de Kant, cette expression est de Kant, que les déserts, les mères séparaient les parties du genre humain entre elles. Aujourd'hui, plus personne, je crois qu'aucun enfant ne rêve de Robinson Crusoé, plus personne ne peut penser qu'il y a des intervalles dans le genre humain. Les déserts et les mers sont des zones de guerre et bien entendu des zones d'affrontement entre voisins, entre états frontaliers, entre populations rivales. Et donc la coexistence, elle est devenue maintenant dans nos esprits une nécessité inéluctable. Et je pense que ça nous oblige à penser le rapport qu'il y a entre la proximité et la promiscuité. Quelle différence faites-vous entre les deux ? Parce que la proximité, c'est ce qu'on peut évoquer aussi dans l'insociable sociabilité. On peut s'approcher et puis en même temps trouver une autre distance. Bref, il y a toujours la prise en compte dans la proximité de l'altérité de l'autre. On peut respecter la place de l'autre dans la proximité. En revanche, il y a promiscuité quand cette place de l'autre n'est pas respectée. Quand on a le sentiment que l'autre me vole ma place, qu'il est à ma place et que donc il est un ennemi. C'est qu'on est sur le même espace, c'est l'un ou c'est l'autre. Là, quand on en est à ce point-là, on est sûr que la guerre n'est pas loin. Et ça, ça marche entre deux colocataires et entre deux pays, absolument. Quelle que soit l'échelle. C'est la même... Alors voilà, je fais l'hypothèse que c'est la même logique qui est à l'œuvre, parce que dans les deux cas... ce qui peut nous permettre de passer de la promiscuité à la proximité, c'est l'idée de l'altérité. C'est que de réaliser que habiter, c'est être chez soi, mais être chez soi, c'est toujours être chez l'autre. Ça, c'est impossible autrement. La chanson d'Henri Salvador qu'on vient d'écouter, elle nous le dit bien. Qu'est-ce qu'on serait tranquille sans voisin ? Mais on ne serait pas chez soi. On est chez soi parce qu'il y a de l'autre. Et pourquoi ça ? On est chez soi, au contraire, on est chez soi, le seul endroit où peut-être on peut être seul. On peut être seul, bien sûr, et il le faut. Et le voisin n'est pas forcément l'ami, on l'accueille pas forcément chez nous. Mais il faut savoir que quand on est bien chez soi, dans la mesure où il y a proximité, et où aujourd'hui on sait que de toute façon, on vit les uns à côté des autres, eh bien nécessairement, quand on est bien chez soi, c'est aussi que les voisins nous laissent tranquilles, nous laissent être chez nous. Ils font pas forcément... de bruit, ou du moins, s'ils aiment bien bricoler, ils font attention à ce que le soir, il n'y ait pas trop de bruit de bricolage. Ils font attention à ne pas être trop indiscrets. Tout ça... Et ça, c'est le même monde idéal que l'île de Robinson Crusoe. Ça peut exister quand même. Il y a de mauvais voisins, mais il y en a aussi de bons. C'est pas la réalité d'Antoine Doinel. Christine ! Ah, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez appeler ma femme, s'il vous plaît, pour lui dire que sa mère l'attend au téléphone? Tiens, patron, regardez l'horloge, il est 7h15. Parce que ce type-là, il est réglé comme du papier à musique. D'ailleurs, il est chanteur à l'opéra. Vous le connaissez, Antoine, il habite le même escalier. Ouais, c'est mon voisin de palier. C'est ça, oui. Et pour lui, l'heure, c'est l'heure. Est-ce quelqu'un? Concierge! Merci. Pardon, la concierge, je crois, là, vous ne pourriez pas m'indiquer. Antoinette! Oh, salut, comment ça va? Bon, ça va et toi? Ça va bien? Ça va, oui, tu vois, moi, toujours pareil. Dis donc, j'ai un poste de télé à dépanner. Tu connais pas un dénommé Desdois? Ah oui, monsieur Desbois, bah il habite là. Ah non, monsieur Desbois! Ça, c'est bizarre alors. Monsieur Desbois! C'est bizarre. Peut-être sorti faire des courses, non? Bon, ça m'étonnerait, tu vois. Ça fait 25 ans qu'il n'est pas sorti de chez lui, c'est une sorte de séquestre volontaire. Hein? Il a décidé qu'il foutrait pas les pieds hors de chez lui tant que le maréchal machin, là. Maréchal Juin? Non, non, plus vieux que ça. Tu sais, le type qui dirigeait la France pendant la guerre. Ah, le maréchal Pétain, tu vois. Voilà, le maréchal Pétain. Ben, il a décidé qu'il sortirait pas de chez lui tant que le maréchal Pétain serait pas enterré à Verdun, je crois. Ah, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il s'y fait? Monsieur Desbois! Vous avez pas d'heure SOS, là, qui vous cherche pour votre télévision? Ah bah vous, alors c'est pas trop tôt. Allez, monter. Ouais, oh, ouais, du calme. J'ai mon voisin de gauche qui joue de la batterie. Avec le bricoleur, ça fait une sacrée symphonie. Pan, pan, boum, boum, toc, toc, boum, boum. Ah, comme on serait bien s'il n'y avait pas les voisins. La vie serait tranquille, on n'entendrait plus rien. Ah, comme on serait bien s'il n'y avait pas les voisins. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du voisinage cette semaine et aujourd'hui de cette réflexion sur la coexistence humaine qu'implique une pensée du voisinage en compagnie de la philosophe Hélène Leuillet. Vous venez d'entendre un extrait de Domicile conjugal qui est très esthétique, disons, le film de Truffaut qui date de 1970. Et d'ailleurs, on y entend le mode de cohabitation qui date de l'époque, qui est bien différent de celui d'aujourd'hui, Hélène Leuillet. Alors oui, c'est amusant à entendre et puis on voit que chacun sait tout de la vie de l'autre. Ça marche très bien à l'écran, mais c'est un cauchemar, Hélène Leuillet. Au fond, question qui est posée ici, c'est pas simplement celle, je crois, de la distinction entre proximité et promiscuité, mais aussi entre privé et public, ce qui nous appartient et ce qui appartient à tout le monde. Alors, c'est cette distinction de privé et public, de mon point de vue, elle est un peu problématique et c'est précisément un des enjeux du voisinage, que non pas de la remettre en question, parce que sur le plan normatif, pour les institutions, elle est évidemment essentielle, mais précisément le lieu de l'habitation, ce disait là que on habite chez l'autre. Finalement, cet extrait le montre bien. Hein. L'autre, c'est celui qui peut indiquer où on habite. Et il faut toujours un voisin de palier, même si politiquement on n'a pas les mêmes engagements, qui dit là où on est. Donc on sait des choses sur le voisin que dans la sphère publique on ignore. Je veux dire, mes collègues ne savent pas forcément où j'habite. Ça fait partie de ma vie privée. Mais en même temps, lorsque je suis chez moi, les voisins qui ne sont pas des amis sont aussi une sorte déjà de sphère publique. Donc le voisinage se définit par une sorte d'espace transitionnel. Entre deux, c'est un peu vague, un espace transitionnel entre le privé et le public qui nous montre bien que ces notions qui paraissent très franches sur le plan normatif sont en réalité mouvantes quand on les met quand on les applique à ce que c'est que l'habitation. Puisque voilà, le voisin, il est d'un côté public, de l'autre côté privé. Alors, par exemple, le voisin sait à quelle culture j'appartiens, quelles fêtes je fête, quels sont les interdits alimentaires que je respecte, puisqu'il me voit faire mes courses, il me voit recevoir mes amis. Tout ce qui est du domaine de ma vie privée par rapport à la sphère publique, il le connaît. Et en même temps, eh bien, quand il sonne à la porte, je le reçois dans l'entrée, je me donne un coup de peigne si véritablement je suis mal coiffée. Bref, il me met déjà dans un rapport public. Donc on voit là que le rapport public-privé, dans le voisinage, il nous montre bien le premier rapport à l'altérité. Avant même d'être confronté, en quelque sorte, aux questions de la vie publique. Et on y viendra dans un second temps, Hélène Leuillet. D'abord, plongeons dans les affres de ce covoisinage, de ce corps à corps que vous décrivez, car vous le dites bien, finalement, c'est le premier rapport à l'altérité. C'est un rapport qui est parfois très violent. Écoutez un texte de Lacan qui le décrit très bien. Et ensuite, un documentaire, je vous laisse le découvrir, qui montre vraiment, alors là, le voisinage dans ce que ça a de plus exacerbé sous son aspect de plus terrible. La seule différence véritablement fondamentale entre la psychologie humaine et la psychologie animale, c'est que l'homme se sait comme corps, alors qu'il n'y a après tout aucune raison qu'il le sache, puisqu'il est dedans. L'animal, lui aussi, est dedans, mais nous n'avons aucune raison de penser qu'il se le représente. C'est dans un mouvement de bascule, d'échange avec l'autre, que l'homme s'apprend comme corps. De même, tout ce qui est alors en lui à l'état de pur désir, désir originaire, inconstitué et confus, celui qui s'exprime dans le vagissement de l'enfant, c'est inversé dans l'autre qu'il apprendra à le reconnaître. Avant que le désir n'apprenne à se reconnaître par le symbole, il n'est vu que dans l'autre. La tension qu'il provoque est alors dépourvue d'issue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre issue, Hegel nous l'apprend, que la destruction de l'autre. C'est là une fonction centrale. La relation qui existe entre le sujet et son idéal du moi par où il entre dans la fonction imaginaire peut toujours basculer. Chaque fois que le sujet s'appréhende comme moi, son désir se projette au dehors, d'où il s'ensuit l'impossibilité de toute coexistence humaine. Les tueurs, vous les connaissiez ? Oui, parmi eux, il y avait nos voisins. On implorait pardon, ceux qui avaient de l'argent donnaient de l'argent. On s'agenait pour demander pardon, en vain. Ils ont pris l'argent, ils ont pris tout ce qu'on avait, mais ils nous ont tués par après. Les Tutsis de ta colline, tu les as vus mourir? Oui, je les ai vus. Et tu as tué les Tutsis de ta colline? Oui, ils sont morts. Je l'ai tué sans distinction. De toute façon, je ne pouvais pas distinguer. Comment vous vivez 10 ans après le génocide? Comment vous vivez avec vos voisins? Et je suis obligé de vivre avec mes voisins, même si parmi eux, ils avaient des membres de leur famille qui ont décimé toute ma famille. Je n'y peux rien, mais je devrais toujours donner les témoignages. Ce témoignage des rescapés du génocide rwandais a été diffusé dans l'émission « Là-bas, si j'y suis », produit par Daniel Mermet en 2004. Pour mémoire, donc, le génocide rwandais, c'est en 1994. Les Tutsis se font massacrer par leurs voisins, les Hutus, en grande partie à la machette. Et quand on les entend, c'est le terme de voisin qui revient. On peut parler de ce génocide comme étant un massacre entre voisins, Hélène Le Hyer ? Absolument, c'est un massacre de voisinage. Hein. Les témoignages, Jean Asfeld, les historiens, Hélène Nuba, tous ont remarqué, Stéphane Audouin-Rouzeau également, ont remarqué que c'était un massacre de voisinage qui est un peu semblable au pogrom en Europe de l'Est, hein, qui accompagné le nazisme ou précédé le nazisme, qui est décrit par Yann Gross dans Les Voisins, précisément. Les génocides sont aussi des massacres de voisinage. Si on pense même de toute façon au nazisme, le fait, les dénonciations en France sous l'occupation, qui était juif, c'était évidemment les voisins qui donnaient les renseignements. Donc il y a massacre de voisinage, et le texte de Lacan que vous avez lu nous permet d'expliquer comment fonctionne le massacre de voisinage, alors même qu'il y a aussi des relations d'entraide. Hein, Yann Gross le signale dans son livre, et là aussi la personne qui est interviewée le dit aussi, forcément, on reste obligé de vivre avec ses voisins. Il y a coexistence, on est toujours avec l'autre. Et ce texte de Lacan que vous avez lu, vous savez, Lacan fait partie de mes inspirations fondamentales, il m'a dicté aussi le plan du livre. Lacan nous permet de distinguer deux sens de l'autre aussi. Hein. On dit l'altérité, mais après il faut approfondir et distinguer plusieurs sens. Et le rapport conflictuel à l'autre, ce qu'on a appelé l'insociabilité tout à l'heure, ce rapport sur la ligne où il n'y a plus de tiers, c'est un rapport de face à face. Effectivement, Lacan se réfère à Hegel, à la lutte pour la reconnaissance. Ce que je vois dans l'autre, tout à l'heure je le disais de manière un petit peu imagée, c'est mon territoire. Lacan est beaucoup plus radical. Là, quand on creuse, c'est plus radical, c'est mon désir, c'est moi. C'est-à-dire que je me vois dans l'autre comme dans un miroir. Mais ça veut dire que l'autre me vole mon désir. Donc la lutte, là, qui était une lutte pour la reconnaissance, mais c'est aussi une lutte pour l'existence. Je sais qu'aujourd'hui, il est de bon ton de distinguer existence et reconnaissance, mais Hegel est beaucoup plus radical. La lutte pour la reconnaissance, c'est une lutte pour l'existence. Et du coup, c'est ça qui contient en germe le meurtre. C'est moi, c'est ce que j'appelle promiscuité. C'est-à-dire que là, cette ligne qui me sépare de l'autre, qui fait qu'il y a un respect des places, eh bien, je ne la respecte pas. Oui, mais et alors, là, Henri, c'est... Ouais. Pardon. Oui. Non, juste pour préciser ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que si on suit Lacan et qu'on exacerbe ce qu'il dit, ce qu'il décèle chez l'être humain à l'échelle du génocide du Rwanda, ça veut dire que ce que l'on reproche à l'autre, ça n'est pas tellement d'être un autre, ça n'est pas d'être différent de moi, exactement. C'est d'être trop proche de moi, exactement. C'est de trop me ressembler. Exactement. C'est exactement ceci qui est en jeu dès que le rapport à l'autre passe par la comparaison. C'est-à-dire qu'on est trop semblable. C'est ce que Freud appelait déjà le narcissisme des petites différences. C'est-à-dire que je reproche deux choses à l'autre quand je le considère comme ça, comme un autre moi, comme mon semblable. Je lui reproche de pas être assez comme moi et d'être trop comme moi. Les deux en même temps. Voilà. Vous savez, voilà. De la partent d'autres d'une frontière, et ben c'est précisément ce qui se joue. Parce que dans les zones frontalières, on est semblable et en même temps différent. Donc on va aller pointer la petite différence de l'autre, mais parce qu'en fait on reproche à l'autre à la fois d'être trop et pas assez comme soi. Mmh. Et c'est un rapport de moi, comme dit Lacan, c'est-à-dire c'est un rapport imaginaire. Là, et l'imaginaire, ça fait flamber. Il a fallu arrêter la lecture, mais Lacan dit c'est un jeu de flammes et de sang. Qui nous mène à l'extermination immédiate, des mots très forts, et prononcés par Lacan après la Seconde Guerre mondiale, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Et donc on voit bien comment Lacan nous donne aussi la solution. C'est-à-dire qu'il dit avant que nos relations ne soient réglées par le symbole, c'est-à-dire par le langage. C'est-à-dire qu'il y a quand même une voie qui est la voie du symbolique. Mais ça nous demande un effort. Mmh. Vous voyez, la chanson d'Henri Salvador, elle est super, je l'adore, etc. Mais elle est dans le rire. Et le rire, ça peut aussi être le véhicule de la haine. On le sait bien, d'ailleurs, au Rwanda, dans le livre de Jean Asfeld, des témoignages après le génocide, il est bien dit que avant le génocide, eh bien, sur les radios Hutu, passaient des blagues sur les Tutsis qui faisaient rire même les Tutsis. Hein, mais qui était le prélude à l'extermination. De même que... Mais c'est pas le rire qui conduit à la haine. J'ai pas dit que le rire conduisait à la haine. Mais j'ai dit qu'il y a un usage du rire qui sert de véhicule à la haine. Dans les années 30 en France, les moqueries antisémites... Ah, on a vu aujourd'hui aussi qu'il y a des choses de l'antisémitisme qui reviennent. Et parfois, voilà, sous la forme de la plaisanterie. Et si vous vous en offusquez, on dit, vous n'avez pas d'humour quand même. Bon. Oui, bien que le problème soit la haine qui précède et pas tellement le véhicule par lequel il s'exprime. Non, si. Bien sûr, mais ça peut faire partie quand même. Je dirais que tout rire... Rire de tout. Voilà, rire de tout, tout rire, effectivement, une question. Quand on commence à rire des voisins, faire aussi un petit peu attention à ce qu'on fait. Parce que le symbole, c'est pas le rire. Le symbole, c'est du côté du langage. C'est du côté de la coexistence. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, c'est de la parler avec ? Ça, c'est... Alors, parler avec, bien sûr, mais pas forcément non plus. Non, mais quand vous dites le symbole est du côté du langage, le symbole est du côté du langage, mais c'est aussi, il y a une petite note dans Hegel aussi, c'est la présentation, voyez, le fait que chacun a son nom, chacun a son adresse, chacun a sa place, ça c'est du symbole. Donc il y a une éthique du voisinage. Il y a une éthique de la mitoyenneté. Je l'ai pas inventé, je l'ai tiré de certains urbanistes. Puisque on coexiste, on est mitoyen. On sait bien que les conflits de mitoyenneté, ils sont terribles. Vous savez, quand on a un mur en commun, c'est qui doit le ravaler, qui peut mettre une fenêtre. Les joies de la copropriété. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Les gens peuvent en venir au meurtre, justement, quand ils mettent des enjeux imaginaires. Et puis, Néanmoins, effectivement, le symbole, le langage, c'est ce qui nous oblige à prendre en compte qu'il y a une place pour chacun. Voilà. Et qu'il y a un nom de chacun. Qu'il y a des espaces communs, obligatoirement. Et qui sont en même temps des espaces qui nous séparent. Et ça, c'est du symbole. Vous voyez, c'est pas forcément faire la parlotte, hein, mais ça fait bien de faire la parlotte aussi. Ça permet de faire vivre le symbole, en quelque sorte, de lui donner un peu de plaisir. Hein. Mais enfin, il peut être austère aussi, le symbole. C'est la place de chacun. Alors, ce que nous décrivons, ce sont le voisin d'en face. Enfin, les voisins d'en face. Dans votre livre, vous procéder par différentes approches du voisinage, les voisins d'en face, les voisins d'en bas, les voisins d'en haut, les voisins d'à côté. On va venir aux voisins d'en haut parce que là, il sera question, on fera le lien avec le grand débat qui nous occupera demain et dont on va parler aussi aujourd'hui. Mais d'abord, les voisins d'en bas. Alors bien sûr, on peut l'entendre au sens physique, mais aussi au sens figuré. Et une des métaphores qui peut être tirée de cette expression, eh bien, c'est les rapports entre la ville et ce qu'on appelle la banlieue. Bon, ici c'est le 9-3, donc tes coups de langue, tes belles paroles, ça marche pas ici. S'il faut se faire respecter, faut s'imposer, mais en douceur. Donc ici, t'es mon stagiaire, d'accord? Attends, j'ai une connaissance approfondie de la banlieue, figure-toi. Mon gars, j'ai fait la moitié de mes études à Lille-Adam. Mais qu'est-ce que tu connais à part ce qu'on te balance aux infos? Les bagnoles qui crament, les racailles, les dealers, c'est ça? C'est pas ça la vraie banlieue. La vraie banlieue, elle a ce que t'auras jamais dans le 8e arrondissement. La fraternité, la solidarité et du cœur. Oui, monsieur. Bien sûr. Oh, non, enculé ! Donne-moi ton fric ! Donne-moi ton fric ! Oh ! Putain, il y a un gars. La fraternité est due, c'était quoi le... Du cœur, c'est ça ? J'ai pas entendu le dernier mot, là. Ils sont pas d'ici, eux. Eh ben, dis donc. Heureusement que les vaccins sont à jour. Hein. Je suis venu avec monsieur le duc, le futur commissaire. C'est un parisien. Ah. Si parisien, ça veut dire choisir ou manger sans choper tétanos, bah ouais, je suis parisien. Ouais. Parisien, ça veut juste dire que quand on arrive en banlieue, on pense avoir mis les pieds au tiers-monde. Et quand l'État mettra autant d'argent dans les écoles ici que dans les parcs et les jardins à Paris, on verra. C'est bon, t'as fini ton laïus, là hein? Alors d'accord, vous habitez dans des logements exigus, oui, mais modernes. Hein? Alors détériorés, oui, mais par qui? C'est pas ma mère qui vient faire les tacs dans ta cage d'escalier. Ouais, ben nous aussi, on peut se plaindre. Attends, tu sais combien ça coûte, un loyer pour 80 mètres carrés à Paris? Ça coûte quoi, un SMIC? C'est combien un SMIC? C'est 1200 euros un SMIC. Ouais, et bah parfaitement, mon vieux, 1200 euros, exactement. C'est dégueulasse, hein? Ouais, c'est dégueulasse, absolument, c'est dégueulasse, parce que moi, si j'avais pas récupéré l'appartement de mes parents, et bah je serais comme toi dans la galère. Et c'est dégueulasse, sur France Culture, le chemin de la philosophie. De l'autre côté du périph', le film de David Charron sorti en 2012 avec Omar Sy en flic de banlieue et Laurent Lafitte en flic parisien, qui illustre exactement ce que vous dites dans votre livre, Hélène Leuillet. Finalement, la banlieue, c'est, dites-vous, la société vue d'en bas. Oui, tout à fait. C'est la rue. Enfin, voilà, les différents. Je parlais des échelles de voisinage tout à l'heure. Effectivement, il y a ce rapport de la ville à la périphérie. Parce que oui, mais justement, c'est pas en bas. C'est ça qui est étonnant. Oui, mais centre bon, périphérie, voilà, c'est à côté. C'est pas en bas. Vous avez bien souligné qu'il s'agissait de métaphores. Quoique bon, si j'ai choisi ces quatre orientations, c'est en me fondant justement sur le fait que le voisinage est un corps à corps et sur les coordonnées en quelque sorte corporelles. Enfin, du voisinage, hein, c'est dans l'espace euclidien, mais aussi dans sa dimension évidemment imaginaire, et de ce que forcément il y a de la métaphore là-dedans. Les voisins d'en bas, ce sont aussi bien les invisibles, hein, ceux qui dorment dans la rue, que la zone de relégation, de ce qui est vécu comme zone de relégation, alors même si bien entendu c'est évoqué, hein, toutes les zones périurbaines ne sont pas des zones de relégation pour autant. Hein, c'est pour ça que c'est une métaphore. Parce que l'Isle-Adam, c'est pas les quartiers de certains quartiers de Saint-Denis ou de la Courneuve. C'est pas la même chose. Il y a quelques zones qui se vivent elles-mêmes comme zones de relégation. Celles qui subissent, par exemple, la discrimination par l'adresse. Avec, par exemple, dans la course à l'emploi, eh ben certains qui habitent, par exemple, à Montfermeil, eh bien au quartier des Bosquets à Montfermeil. Ils vont déguiser leur adresse, se faire héberger chez quelqu'un pour ne pas donner la véritable adresse pour qu'on dise, bah non, voilà, c'est Caïra. Enfin, c'est Caïra. Les Bosquets à Montfermeil, c'est forcément Caïra. Et donc, là, on a affaire, oui, à des voisins qui sont des voisins d'en bas et qui sont discriminés d'une certaine manière parce que Le problème des voisins d'en bas, c'est qu'on ne le reconnaît pas, le statut de voisin. C'est que la coexistence, là, elle semble s'arrêter à la ligne qui sépare les deux logements. Vous voyez, toi, tu vis à Paris parce que tu as hérité de l'appartement de tes parents, et moi, je vis dans cette cage d'escalier-là. Et là, cette ligne, c'est un mur. Oui, mais elle est aussi appréhendée selon un certain point de vue. Parce que ce que nous dit le film et ce que vous dites, c'est qu'en fait, en bas ou à côté, ça dépend d'où on se place. Parce qu'en fait, le voisin n'est jamais objectivement situé. Tout à fait. Ça dépend comment on le considère. Voilà, et que si ce sont des métaphores, eh bien, puisque c'est mouvant, on doit pouvoir aussi changer de place. C'est-à-dire que ce mur, c'est un mur imaginaire. C'est-à-dire qu'il doit être possible de relier autour de cette ligne, hein, de faire que dans le rapport d'insociable sensibilité, qui sont pour, on a lu le texte au début, pour Kant absolument indissociables et intriqués l'un dans l'autre, aujourd'hui on voit notamment à propos des voisins d'en bas que ça peut se séparer, quoi, et qu'il est possible par la coexistence de faire en sorte que ça se renoue, c'est-à-dire que le voisin d'en bas, il doit pouvoir être considéré comme un voisin d'à côté. C'est ma dernière partie qui est celle d'un rapport qu'on peut considérer pas forcément dépourvu de conflictualité, mais en tout cas d'une conflictualité réglée, où on doit pouvoir s'entendre, se considérer déjà au moins comme des voisins. Alors avant d'en arriver là et de livrer une des clé de cette réussite, parce que vous proposez quand même une esquisse, peut-être pas de solution, mais de voie à suivre pour faire en sorte que cette coexistence se passe le mieux possible. Continuons, on a écouté un extrait donc sur qui met en scène les clichés véhiculés par la banlieue, ce que vous appelez les voisins d'en bas. Eh bien, le revers, c'est les voisins d'en haut. Les voisins d'en haut, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est ceci. L'autre, il est dans son carrosse, hein, comme un roi, et nous, on est en train de mourir de faim. On mange des patates tous les jours. Et on nous réclame encore plus, donc c'est pas possible. C'est ça, il s'en fout de notre gueule, il attend qu'on crève. On vit à découvert. Monsieur Macron, la seule chose qu'il a à nous dire, c'est vous arrivez pas à manger, on va vous changer vos fenêtres. C'est tout ce qu'il essaye de nous dire. Je suis pas contre l'écologie, je trie mes poubelles, je recycle mes déchets, j'ai un jardin. Mais maintenant, on est dans la rue parce que les gens ne nous écoutent pas. On nous dit qu'on pollue parce qu'on est obligé de prendre notre voiture. Mais nous, on n'habite pas à Paris, nous. Nous, on est dans des petits villages où on est obligé d'aller bosser. Et pour bosser, il faut prendre notre voiture. Alors pendant que monsieur se fait construire des piscines, retire l'ISF, et on retire 5 euros au plus bas l'APL, retire des états, des contrats aidés, c'est de la fumisterie. C'est la guillotine pour monsieur Macron, la guillotine. Les voisins d'en haut sont les plus détestés des voisins, dites-vous Hélène Leuillet, dans cet extrait qui exprime la colère des Gilets jaunes contre Emmanuel Macron. C'est un extrait diffusé par Le Média en décembre 2018. Macron est assimilé à un roi, qu'il s'agit de guillotiner. La violence des propos reflète, disent-ils, la violence de la situation qu'ils subissent. Alors là, on a renversé la perspective et on est en plein dans cette journée qu'organise France Culture à la veille du grand débat national, de cette possibilité de coexister entre en bas et en haut. C'est vraiment la question qui se pose là. C'est tout à fait la question qui se pose. Et alors elle dérive du face-à-face, effectivement, de la logique de haine là qui est à l'œuvre, toujours avec le voisin d'en dessus. C'est effectivement Emmanuel Macron et puis les députés d'En Marche concentrent tout le ressentiment contre les élites qui existent depuis longtemps dans la société française, et là, dont on voit qu'il n'est plus seulement l'apanage de, je dirais, de la France anti-lumière, du Rassemblement national, qui, effectivement, plonge ses racines dans les mouvements de droite dure des années 30. Bon, voilà, là, on a la France anti-lumière, la France anti-élite, la France anti-intelligentsia, moi, je dis même la France misologue, hein, contre le discours. Et la France, en parlant des Gilets jaunes. Non, je parle là de la France d'avance. La France, ouais. Anti-lumière, la France de la haine, du ressentiment contre les élites. Là, on voit, c'est assez inédit, les deux France, la France des Lumières, référence à la Révolution française, et la France anti-lumière, la France de la haine, la France anti-immigration, la France antisémite, raciste. Eh bien, on voit que les deux se mettent à se conjoindre, de telle sorte qu'on a du mal à savoir où on est. Hein. C'est très difficile. Il y a les références à la Révolution française, mais du côté, effectivement, anti-roi, Hein, on va guillotiner le président. Et puis, de l'autre côté, cette haine contre les élites. Alors évidemment, ce que je dis, c'est qu'il faut pouvoir considérer le voisin d'en haut aussi comme un voisin. Parce que même si on peut déplorer les dérives de la professionnalisation de la politique, néanmoins, nous sommes plus tous des citoyens athéniens ou romains et n'avons pas tellement envie de consacrer beaucoup de temps forcément à la politique. Donc forcément, nous sommes contents aussi d'avoir des gens qui s'occupent des affaires communes et des affaires publiques. Mais hein, ce qui est dénoncé là, c'est que le voisin d'en haut, et ça arrive aussi, hein, il marche pour son compte hein, et il fait preuve d'une condescendance. La condescendance, c'est un peu l'éthos du voisin d'en haut et c'est justement ce qui est reproché à Emmanuel Macron. Mais d'ailleurs, il suffit de lire le programme du Grand Débat National, hein, on sera sur le site du gouvernement. Alors bon, il y a 4 volets, ouais. La fiscalité, les dépenses publiques, la transition écologique et puis la démocratie, la citoyenneté. Les questions, c'est comment mieux associer les citoyens à la prise de décision. C'est ça. Ce qui est, voilà, la question en elle-même montre qu'il y a un problème. Exactement. Là, moi, j'ai été tout à fait frappée, comme vous, par ces items. Parce que, bon, la démocratie et la citoyenneté, là, bon, c'est avec la démocratie, la question du pouvoir. Donc, démocratie, le pouvoir du peuple. La question de la citoyenneté, la question de la République, c'est-à-dire il y a une chose commune. Et tous ceux qui voudraient s'approprier l'État, eh bien, seraient des usurpateurs. Enfin, dans l'histoire politique française, ce thème de l'usurpation est un vieux thème. Et on lit comment mieux associer les citoyens à la prise de décision, comment mieux représenter les sensibilités. Et là, bah, on pense nécessairement, de mon point de vue, à Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire la volonté générale, bah, soit elle est représentée, soit le gouvernement est l'exécutant de la volonté générale, soit pas. Mais en disant mieux, eh bien, finalement, on laisse à penser que l'État reconnaît que les citoyens ne sont pas associés à la prise de décision et que les sensibilités ne sont pas représentées. Hein. Ce mieux, en quelque sorte, nous indique que ce n'est pas, alors que soit il y a représentation des volontés, des sensibilités, soit il n'y a pas. Il n'y a pas plus ou moins. Mais la volonté de recourir à un débat. Est-ce que ça, c'est un geste, vous parliez de l'importance du langage symbolique pour Lacan dans le cadre, par exemple, d'une copropriété. Est-ce que dans un cadre national, entre un gouvernant et les gouvernés, est-ce que ça va dans ce sens-là? Alors, évidemment, ce qui est génial dans le langage, c'est qu'il fait pacte. Mais en même temps, comme Lacan nous l'indique aussi, c'est que encore faut-il que le pacte soit respecté et que le langage ne soit pas perverti. Et d'ailleurs, ça, peut-être qu'on est là un peu au-delà de Lacan. Hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne peut pas y avoir perversion du symbole lui-même, du langage lui-même? C'est là, le cas. On a le sentiment d'une réunion des états généraux. Écoutez, je ne sais pas si c'est le cas. Et je crois qu'il faut savoir attendre, là, parce qu'on a eu beaucoup de surprises ces derniers temps. Et donc, je pense qu'il faut savoir attendre. Peut-être, c'est une des hypothèses qu'on peut formuler, que ces deux France qui sont là réunies dans la contestation, la France lumière, anti-lumière, peut-être se scindront et entreront en scission. Je dirais que peut-être la partie qui veut parler ira débattre. Et que celle qui, en revanche, est dans la haine des journalistes, dans la haine de l'immigration, peut-être celle-ci n'ira pas débattre. Je ne sais pas. Oui, parce que l'idée, c'est que les citoyens soient appelés à débattre dans les mairies, donc à l'échelle locale, ouais. Et de faire remonter des doléances et aussi des propositions de débat. Voilà. De et alors maintenant, bon, évidemment, il y a déjà, d'après ce que j'ai pu lire et entendre là de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, c'est que certains déjà, sans appeler au boycott, désespèrent avant même que ce ne soit fait et disent de toute façon, dans la mesure où nous avons été prévenus qu'un certain nombre de choses que nous voulons voir modifiées ne le seront pas, comme l'ISF, qui cristallise un grand nombre de revendications, eh bien, ce débat est inutile. C'est quelque chose qui sert uniquement à remplir l'espace, à faire attendre, justement. Hein, et cela ne va pas nous empêcher de manifester. C'est ça qui est dit sur un certain nombre de sites de Gilets jaunes. Voilà. Mais là, on n'est plus dans la question du voisinage, si ? Écoutez, je pense qu'elle paraît secondaire par rapport aux revendications d'une vie meilleure dans laquelle lesquelles les fins de mois seraient plus abondantes. Bah, en même temps, c'est assez intéressant. Là, il y a eu il y a quelque temps dans Le Monde une enquête de Florence Aubenas qui montrait que justement il y a un lien social qui se retissait sur les ronds-points. Alors, est-il éphémère, durable, ça on ne sait pas. Mais c'était les voisins qui se retrouvaient puisque c'était les ronds-points. Hein. Donc c'était les voisins qui ne se connaissaient pas et qui se rencontraient et d'un coup la vie devenait plus intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est forcément au niveau local que la représentation politique peut se renouer. Parce que ça fait partie de nos institutions. Il ne peut plus y avoir de démocratie directe. Les États sont beaucoup trop grands et complexes. Mais si la représentation fonctionne seulement de manière formelle, si elle ne rend pas compte de ce qui se passe au niveau local, de ce qui se dit au niveau local, forcément elle devient vide. Et je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même eu pas mal de déni ces dernières années quand on parlait de l'abstentionnisme et que certains disaient « mais non, il n'y a pas de crise de la représentation, ça se régule, etc. » Mais aujourd'hui, on voit que tout ça est soldé. C'est-à-dire qu'évidemment, le gouvernement en place est accusé d'ignorer les circonstances historiques dans lesquelles il a été élu. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les députés d'En Marche disent ben, « on a été élu sur un projet, on le respecte ». Oui, mais ils ignorent les circonstances historiques. C'est ça qui leur est renvoyé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un certain nombre, les plus politisés qui ont été votés, qui ne se sont pas abstenus, ont voté évidemment parce qu'il s'agissait d'un choix forcé. Et puis, on ne tenait pas compte de cette abstention, pas vu que l'abstention était une indifférence grosse de colère. Donc on a vécu aussi sur du déni, et ce déni, aujourd'hui, évidemment, explose. Et il y a une exigence que le dialogue se renoue au niveau local. Après le voisin d'en face, les voisins d'en bas, les voisins d'en haut, les voisins d'à côté, et là, vous convoquez dans votre livre, et ça, on arrive vers le terme de l'émission et de votre ouvrage, eh bien, un cas particulier qui serait le voisinage urbain, puisque ce n'est pas le même, vous distinguez bien, on ne vit pas à côté de son voisin de la même façon en ville et à la campagne. Et vous convoquez Georg Simmel, le sociologue Georg Simmel, qui nous apporte peut-être un élément à prendre en compte pour faire exister le rapport entre voisins de la manière la plus pacifique possible. Et il s'agit de ce qu'il appelle la réserve. Écoutez. D'un point de vue formel, on devra décrire comme réserve la posture mentale de l'habitant des grandes villes. Si, aux contacts extérieurs incessants avec une multitude d'hommes, devait répondre autant de réactions internes, comme dans la petite ville, où l'on connaît presque chaque personne rencontrée, on serait complètement atomisé intérieurement, et l'on tomberait dans une disposition mentale inimaginable. À cette réserve nous contraignent pour partie ce fait psychologique, pour partie, le droit à la méfiance que nous éprouvons à l'égard de ces éléments de la vie métropolitaine qui nous effleurent furtivement. Par suite, nous ne connaissons souvent même pas de vue celui qui, à longueur d'année, est notre voisin. Et c'est ce qui fait que nous paraissons si souvent froids et sans cœur aux yeux de l'habitant des petites villes. Si je ne me trompe pas, intérieurement, cette réserve n'est pas seulement de l'indifférence, mais plus souvent que nous n'en avons conscience, une légère aversion, une mutuelle étrangeté et une répulsion partagée qui, dans l'instant d'un contact rapproché, tournerait aussitôt en haine et en conflit. L'antipathie nous protège, ainsi que la phase de latence qui précède le conflit ouvert. Elle produit des distances et des écarts sans lesquels, somme toute, nous ne pourrions pas mener ce genre de vie. Et oui, le gimmick de l'émission Henri Salvador, qu'est-ce qu'on serait bien sans les voisins? Alors, ce que nous dit Georg Simmel, Hélène Leyer, c'est qu'il y a une manière de coexister qui est la réserve. Alors, c'est pas une dimension morale qui consisterait à dire qu'il faut respecter autrui parce qu'il n'est pas nous, etc. Mais tout simplement parce que seule la distance nous permet de ne pas nous rendre fous et de ne pas nous en prendre à l'autre. C'est ça, exactement. Et puis, alors, ce qui est génial dans cette notion de réserve, c'est vraiment ce texte est très, très fort. Hein. J'ai beaucoup lu Simmel aussi pour ce livre. Je suis vraiment quelqu'un qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est que, ce qui est très intéressant dans cette notion de réserve, c'est qu'elle prend en compte les subjectivités. C'est ça qui est intéressant dans le voisinage, c'est que le voisinage ne peut pas se régler seulement avec des procédures et avec des politiques publiques. La politique ne peut pas être seulement technocratique, c'est ça que nous apprend le voisinage. Parce que même si on va parfois habiter dans un quartier, si on préfère la ville ou si on préfère la campagne ou une zone périurbaine, de toute façon, on ne sait jamais qui seront les voisins. On peut chercher le genre de voisin qu'on veut, mais jamais qui. Et c'est ça que la réserve nous indique. C'est-à-dire que c'est une distance qui est une distance qui s'adapte à la subjectivité de l'autre. Je vois très bien, selon mes voisins, jusqu'où je peux aller dans le contact, dans la proximité, justement, et à quel moment je dois me retirer. Hein. C'est la bonne distance, elle est toujours ajustée dans le voisinage. Hein. Bon, parfois, certains peuvent devenir des amis, des conjoints, des copains, etc. Mais la plupart du temps, si on prend le voisinage pur, hein, eh bien, on est là sur cette ligne qui est celle de la réserve. Et je dirais ce paradigme urbain que dégage Simmel, il me semble qu'il vaut aujourd'hui aussi pour la campagne et surtout pour les zones périurbaines qui déjouent la distinction campagne. Alors voilà, Simmel, il écrit son livre, c'est dans Métropole et mentalité, qu'on trouve dans son ouvrage sur l'école de Chicago, un essence de l'écologie urbaine. C'est ça. Mais en fait, ce qu'il décèle à ce moment-là est peut-être applicable à d'autres modes d'existence. Tout c'est ce à que fait. Vous dites. Tout à fait. Moi, il me semble que c'est ça qui correspond en tout cas à la crainte de la promiscuité qui gagne beaucoup de populations aujourd'hui. Le principe de réserve de Simmel est tout à fait applicable parce que justement, il est forgé dans un lieu métropolitain qui est celui de la promiscuité, celui où, si on pouvait vivre sans voisin, etc. Oui, mais en même temps, tout le monde est d'accord, plus de distance, mais c'est pas possible la plupart du temps. C'est possible, bien ça le problème. C'est possible psychologiquement, je pense que c'est toujours possible. C'est faire une abstraction attitude. Des bruits des voisins, du marteau au-dessus et des bruits d'accouplement. Comme le disait Salvatore, c'est possible, mais c'est très difficile. C'est possible, c'est très difficile, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout subir, parce qu'à ce moment-là, on se met dans la position d'être le voisin d'en dessous par rapport au voisin du dessus, c'est-à-dire qu'on est dans la soumission. Il est évident qu'il faut aussi parfois aller demander au voisin d'être un peu plus respectueux et d'être soi-même un voisin qui prend en compte l'existence de l'autre. Ça ne supprime pas les conflits, le principe de réserve. Ce n'est pas un truc magique qu'on va appliquer de telle sorte que la coexistence soit facile. La coexistence humaine, si elle était facile, on le saurait. Hein. Depuis l'histoire de la pensée politique, elle est toujours à refaire. Dans chaque cage d'escalier, la coexistence humaine est à refaire. À chaque emménagement, à chaque déménagement, l'intégration est à refaire. Mais précisément, le voisinage est affaire d'intégration. Il est affaire de rapport à l'inconnu. Vous savez, on dit parfois le local, bon, c'est du patronage parce que c'est l'entre-soi, le bien connu. Non, le voisin, c'est le premier inconnu. Donc, c'est cette conscience de l'inconnu, c'est toujours ce que dit Lacan, le passage de l'imaginaire au symbole. Et ça, à la fois, c'est toujours possible, hein, parce que ça suppose... Le voisin qui fait trop de bruit, c'est le voisin qui ignore l'autre. Le voisin qui ne supporte aucun bruit, c'est de même le voisin qui ignore l'autre. Hein, parfois, quand on est trop allergique au bruit, quand même, il faut dire qu'on n'a pas assez de conscience du voisinage. Bon, en fait, vous en appelez à davantage de bon sens, mais ça, personne ne va être en désaccord. Oui, sauf que personne ne l'applique. Enfin, le problème, il est là. C'est qu'une fois qu'on fait ce constat-là, on va être tous d'accord sur le papier. Après, la réalité est ainsi faite, sociologique, matérielle. Non, là, parce que je pense que justement, c'est peut-être difficile à appliquer en politique, mais comme disposition d'esprit personnel, je pense que c'est applicable par chacun. Normalement, on doit, ça c'était un peu mon but, si on réfléchit au voisinage, on doit pouvoir aussi se comporter un peu autrement. Dans le voisinage. On doit pouvoir regarder ses voisins autrement. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, Adèle, en fait. On en parlera après l'émission, si vous voulez. Ce que vous dites implique aussi que pour bien vivre avec ses voisins, il faut d'abord bien vivre chez soi. Au fond, c'est d'abord une réflexion sur l'habitation. Comment habiter chez soi ? Je pense que c'est conjoint. Je pense qu'on choisit, il faut quand même, on choisit un appartement, bien sûr, pour ce qu'il est, et puis on découvre le voisinage. Et c'est conjoint. C'est-à-dire qu'on est bien chez soi aussi, si les voisins nous accueillent. Alors, c'est pas forcément comme la culture à l'américaine, les voisins vont apporter les cookies, etc., pour souhaiter la bienvenue. Mais il y a quelque chose aussi des autres qui peut être accueillant ou pas. Oui, mais on choisit pas un logement en fonction des voisins. Oui, mais on les découvre. Et de toute façon, l'habitation, elle est inévitablement voisinante. Inévitablement. Donc, on est condamné à vivre ensemble. On est condamné à vivre ensemble, absolument. Well, the eggs chase the bacon on the frying pan. written by the people below. The dog sniffed the garbage bears over last night. And there's always construction work bothering you. Et c'est Tom Waits qui nous accompagne en cette fin d'émission In the Neighborhood, dans le voisinage, chante-t-il. Merci beaucoup Hélène Leuillet. Merci Adèle. Merci d'être venue nous parler de votre livre Du voisinage, réflexion sur la coexistence humaine qu'on trouve aux éditions Albin Michel. Puis je renvoie aussi à votre livre sur la police que vous aviez publié aux éditions Fayard. Et votre dernier livre paru s'appelle Tu haïras ton prochain comme toi-même, tout un programme, toujours aux éditions Albin Michel. Culture, les chemins de la philosophie, les réflexions sur le voisinage continuent et je suis tellement heureuse de saluer ma nouvelle voisine. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et vous à tous. Vous nous revenez après des mois d'absence, ravie de vous retrouver à ce micro. Mais pour le journal de la philo. Je suis très heureuse d'être de retour. Il y a des voisinages qui sont heureux, voyez Hélène Leuillet. On n'est pas forcément condamné à être à côté l'une de l'autre. Non, on le choisit aussi. En tout cas, donc on va vous retrouver tous les jours à nouveau pour votre journal de la philo et bienvenue à nouveau dans les chemins de la philosophie Géraldine. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Eh bien, Adèle, eh bien, toutes, je suis ravie donc de vous retrouver avec un livre, Être soi-même, de Claude Romano, c'est paru chez Folio. Et puis avec cette question tout à fait opportune en ce début d'année, enfin surtout si on veut en faire un moment de plongée existentielle, qu'est-ce qu'exister en personne? Comment atteindre cet idéal d'authenticité personnelle? Autrement dit, pour reprendre le titre du livre, comment être soi-même? Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Mais nous attirons sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons et les fuyons. Ne restons pas là, Ulysse. Ne perdons pas de temps. Vite, de la cire. Tous les hommes doivent en mettre. On les empêche de regarder de tous les côtés. Ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. On leur dise que c'est une question de vie ou de mort. Allez. Surtout, n'ayez pas peur. Regardez par terre. Et ramez. Mettez ça dans les oreilles. Ulysse, c'est la figure par excellence de celui qui, au fil de ses aventures et de ses métamorphoses, au fil de son odyssée, devient lui-même et qui, de personne, devient une personne. Ulysse, c'est ainsi le point de départ parfait de ce livre de Claude Romano et puis pour se demander comment donc être soi-même. Alors la question est très importante, qui ne l'a pas entendu ou lu dans les journaux, les livres, à la radio ou à la télé, qui ne s'est pas entendu dire ou qui ne s'est pas chuchoté lui-même, soit toi-même, sans savoir pourtant que cette question, en fait, elle trouvait son origine chez Homère et pas que dans les livres de développement personnel. Mais alors voilà le problème, comment être soi-même, de quelle manière? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'être soi-même? En philosophie, c'est plus souvent cette question qui s'est posée, il faut le rappeler. C'est par exemple la question de l'identité, des antiques à Ricoeur. C'est aussi celle du sujet qu'on trouve chez Kant jusqu'à Foucault qui, lui, l'a déconstruite. Et puis, c'est la question aussi du moi, avec Descartes notamment, ou du jeu. Mais qui, dans la philosophie, a vraiment posé et incarné cette autre question du comment? Comment être soi-même? Avec quel style? De quelle manière? Sous quelle attitude? Comment donc exister en personne? Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans études et artifices. Car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, mes imperfections et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été parmi ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de la nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Qui donc a répondu à comment être soi-même? Eh bien, on pourrait répondre Ulysse, et puis il y a aussi Montaigne. Avec lui, comme l'analyse Claude Romano dans ce livre, s'est élevé le style sans artifice, le style simple, ordinaire, le style qui laisse apparaître sa personne en elle-même, le style naturel. Alors cette fois-ci, c'est ce mot qui est important, naturel, car être soi-même, comment être soi-même? Eh bien, c'est peut-être en étant nature, en se montrant au naturel, en révélant sa nature. Mais comment atteindre ce naturel derrière nos couches de conventions, et comment être sûr d'avoir atteint ce naturel? Et puis ce naturel, on pourrait se demander, notre nature, comment être sûr de ne pas l'avoir complètement façonné avec des artifices? Comment être sûr que ce naturel soit spontané, vrai? Est-ce que le naturel n'apparaît pas précisément quand on ne le recherche pas? Madame de Chartres lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements, et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. Alors vous l'avez compris, la question qui anime ce livre de Claude Romano, comment être soi-même, trouve sa réponse dans une galerie de figures, fictive ou pas. On a vu Ulysse, Montaigne, et puis il y a aussi Cicéron, Saint-Augustin, Kierkegaard, Heidegger, il y a l'orateur, le courtisan, le fidèle, l'honnête homme, ou encore, comme on vient de l'entendre, la vertueuse, c'est la princesse de Clèves. Alors moi j'ai décidé de finir ce journal avec ce personnage, car elle me paraît être l'accord sincère entre la passion et les principes, entre soi et les autres, entre une nature spontanée et son façonnage moral réfléchi. À vous de choisir pour cette nouvelle année votre personnage ou pas, ou qui vous aimeriez être, tout en sachant, comme le conclut Claude Romano, que votre personne, qu'être soi-même, adviendra sans le vouloir et plutôt en s'oubliant. Mais vivre comme la princesse de Clèves, c'est quand même renoncer à beaucoup de choses, hein? Oui, mais en même temps, on a l'impression qu'elle s'est trouvée. Elle a quelque chose de spontané dans ses actes très réfléchis, moraux. Bon, très bien. Vous une émission sur la princesse de Clèves à nouveau. C'est noté, Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Sharon Houry, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, que vous retrouvez donc à l'antenne désormais tous les jours. Nicolas Berger qui réalise cette émission, Audrey Guélil qui est à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le voisinage. Demain, on s'interrogera sur les voisins dans l'œuvre de Georges Perec. Voisins, mode d'emploi, ce sera le titre de l'émission en compagnie de Jean-Luc Joly. D'ici là, eh bien, la journée spéciale à la veille du lancement du grand débat national sur France Culture continue. Vous retrouvez notamment à 12h30 Cyril Delage dans le journal de Thomas Cluzel, puis la grande table d'Olivia Jesbert également y reviendra jusqu'au grain à moudre ce soir. Restez à l'écoute pour davantage d'informations. Vous pouvez également réécouter cette émission en vous rendant sur le site des Chemins de la Philosophie pour la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez et avec vos voisins. Par exemple, c'est un bon lien de voisinage, n'est-ce pas, Hélène Boyer? Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.